Hey. À trois perches de la trentaine, je vais être honnête, on va plus se cacher. Faut que vous le sachiez, je te rends un service, je vais m'en cacher. J'ai servi de la soupe dedans le molar, tu as craché. D'après Paul le poulpe, je suis programmé pour brasser. Je n'écris pas mes textes à la va vite comme ses bras cassés. Quand tu m'invites, sois sûr que le beat, je vais le fracasser. La qualité se paye, verse-moi mes thunes que je puisse déplacer. Franchement, t'es pas cool, pour toi les punchlines, je les ai entassés. De plus, la concurrence, je la découpe comme de la viande. Je vais baiser l'industrie, fais-moi une copie du plan d'accès. L'autre featuring, tout le travail je te l'ai mâché. À mon grand désespoir, l'autre refrain tu l'as gâché. J'aurais dû appeler ma mixtape, y'en a assez. Au lieu de rapper, ils ne font que j'agacer. J'ai décidé le mois prochain, j'investis dans des bracelets pour me noter les minables du game qui viennent m'agacer. Du palais. Je vais vous cacher, je vais vous cacher, je vais vous cacher. Je vais vous cacher, je vais vous cacher, je vais vous cacher. Je vais vous cacher, je vais vous cacher, je vais vous cacher.